Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Kühl. Un client, il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Il vient, quittez ça. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Viens, quittez ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Viens, quittez ça! Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish. Opium. Un client. Il vient de la part d'Hassan. Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les prix. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish. Opium. Suivez-moi. Right. Here we go with the butters, boo, you know how we do. In the streets is going rock right. In the streets is going rock right. At the show is going rock right. Here we go with the butters, boo, you know how we do. When they bump it in the streets is going rock right. In the streets is going rock right. At the show is going rock right. Here we go with the butters, boo, you know how we do. In the streets is going rock right. In the streets is going rock right. At the show is going rock right. Here we go with the butters, boo, you know how we do. When they bump it in the streets is going rock right. In the streets is going rock right. butters, boo, you know how we do. In the streets is going right. Here we go with the butters, boo, you know how we do. It feels good to me, makes me feel alright. deaf or something? A little distortion in my left ear. Little distortion. Tell me, can't you hear? But it feels good to me. Makes me feel alright. It feels good to me. Makes my burdens light. But it feels good to me. Makes me feel alright. But it feels good to me. Makes my burdens light. A little distortion. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Kö. We'll be right back. Dein Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Bye. Wochenende dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Kö. We'll be right back.

Bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ König. Thank you. Sputnik Heimspiel. We'll be right back.